Et Mouchka Orzi. Les miniatures de Fréouine. Chapitre 1. Bien que les méthodes de Lady Molly concernant le mystère de Dinoscore n'aient pas été entièrement approuvées au Yard, sa sagacité et son ingéniosité en la matière étaient si incontestables qu'elles lui ont valu une réputation qui l'a placée au premier rang des forces de police. Et un jour, alors que tout le monde, public et police confondus, avait les oreilles rebattues par l'affaire des miniatures Fréouine et qu'une récompense de 1000 guinées était offerte pour toute information permettant d'appréhender le voleur, le chef, de sa propre initiative et sans aucune hésitation, lui offrit le poste. « Je ne m'y connais pas beaucoup en œuvre d'art, mais on ne peut pas être détective, femme ou autre, sans connaître la valeur de la plupart des choses » et je ne pense pas que M. Fréouine ait accordé une valeur excessive à ses Engelhardt lorsqu'il a déclaré qu'il valait 10 000 livres sterling. Il en avait 8, tout sur ivoire, d'une hauteur de 3 à 4 pouces, et on disait qu'ils étaient les spécimens les plus parfaits de leur genre. M. Fréouine lui-même avait reçu, il y a moins de 2 ans, une offre de 200 000 francs de la part des administrateurs du Louvre, offre qu'il avait refusée. J'imagine que vous savez qu'il était un homme immensément riche, lui-même grand collectionneur, ainsi qu'un marchand, et que plusieurs des œuvres d'art les plus uniques et les plus chères ont trouvé leur place dans sa collection privée. Parmi elles, bien sûr, les miniatures d'Engelhardt étaient les plus remarquables. Quelque temps avant sa mort, M. Fréouine était tombé très malade, et pendant plus de 2 ans, il n'avait pas pu dépasser les limites de sa charmante propriété, Blatchey House, près de Brighton. Une triste histoire est liée à la grave maladie de M. Fréouine, maladie qui, si vous vous en souvenez, a entraîné la mort du pauvre vieux monsieur. Il avait un fils unique, un jeune homme, à qui le vieux marchand d'art avait prodigué toute l'éducation et, par la suite, tous les avantages sociaux que l'argent pouvait donner. Le garçon était exceptionnellement beau, et avait hérité de sa mère un grand charme qui le rendait très populaire. L'honorable Madame Fréouine est la fille d'un lord anglais, davantage dotée d'attributs physiques que de biens matériels. En outre, c'est une femme exceptionnellement belle, qui a une voix magnifique, qui est une excellente violoniste et qui est une aquarelliste hors pair, ayant exposé plus d'une fois à la Royal Academy. Malheureusement, à un moment donné, le jeune Fréouine a eu de très mauvaises fréquentations, a contracté de nombreuses dettes, dont certaines étaient tout à fait inavouables, et des rumeurs circulaient à l'époque, selon lesquelles, si la police avait eu vent de certaines transactions en rapport avec le chèque d'un de ses officiers, des poursuites très désagréables s'en seraient suivies. Quoi qu'il en soit, le jeune Lionel Fréouine dut quitter son régiment et partit ensuite pour le Canada où il est censé s'être lancé dans l'agriculture. Selon l'histoire, rapportée par certains domestiques de Blatchey House, il y eut des scènes violentes entre le père et le fils avant que le premier ne consente à payer certaines des dettes les plus pressantes du jeune dépensier, puis à trouver la somme d'argent supplémentaire qui devait permettre au jeune Fréouine de commencer une nouvelle vie dans les colonies. Madame Fréouine, bien sûr, prit l'affaire très à cœur. C'était une créature délicate, raffinée et artistique, qui idolâtrait son fils unique, mais elle n'avait évidemment aucune influence sur son mari, qui, comme certaines familles anglaises d'origine juive, avait une dureté de caractère extraordinaire lorsqu'il s'agissait de l'intégrité de sa propre renommée commerciale. Il ne pardonna jamais à son fils ce qu'il considérait comme un affront fait à son nom par le jeune dépensier. Il envoya au Canada et lui dit ouvertement qu'il ne devait plus rien attendre de lui. Tout l'argent des Fréouine et l'inestimable collection d'œuvres d'art seraient légués par testament à un neveu, James Ayan, dont l'honneur et la conduite générale ont toujours été irréprochables. M. Fréouine, ayant pris très à cœur les détournements de fonds de son fils idolâtré, la santé du pauvre vieil homme s'est terriblement dégradée par la suite. Il eut une crise d'apoplexie et bien qu'il se soit quelque peu rétabli, il resta toujours invalide. Sa vue et ses facultés cérébrales étaient nettement affaiblies et, il y a environ 9 mois, il eut une nouvelle crise qui entraîna d'abord une paralysie, puis sa mort. La plus grande, sinon la seule joie du pauvre vieillard pendant les 2 années qu'il avait passées cloué dans un fauteuil roulant, était sa collection d'œuvres d'art. Bletchley House était un parfait musée d'art et l'invalide faisait rouler son fauteuil dans le grand hall et dans les pièces où se trouvaient ses tableaux, ses porcelaines et surtout ses inestimables miniatures. Il en tirait une immense fierté et c'est, je crois, pour l'égayer un peu, que Madame Frewin invita M. de Collinville, qui avait toujours été un grand ami de son mari, à venir séjourner à Bletchley. Bien entendu, il n'y a pas de plus grand connaisseur d'art que cet éminent Français, et c'est par son intermédiaire que la célèbre offre de 8000 livres sterling avait été faite par le Louvre pour les miniatures d'Engelhardt. Bien que l'invalide ait évidemment décliné l'offre, il était très heureux et fier qu'elle ait été faite, car, outre M. de Collinville lui-même, plusieurs membres du comité des conseillers artistiques du Louvre étaient venus de Paris pour essayer de persuader M. Frewin de vendre ses trésors uniques. Cependant, l'invalide s'était montré obstiné à ce sujet. Il ne manquait pas d'argent et la célèbre collection d'art Frewin irait intacte à sa veuve sa vie durant, puis à son héritier, M. James Higham, lui-même grand connaisseur et marchand d'art à Saint-Pétersbourg et à Londres. La Providence, dans sa miséricorde, a voulu que le vieil homme n'ait jamais eu connaissance de la disparition de ses précieuses miniatures. Lorsque ce mystère extraordinaire a été révélé, il était déjà mort. Le soir du 14 janvier, à 8h30, M. Frewin eut une troisième crise paralytique dont il ne se remit jamais. Son valet, Kenneth, et ses 2 infirmières étaient à ses côtés à ce moment-là et Mme Frewin, rapidement informée du terrible événement, se précipita à son chevet tandis que la voiture fut immédiatement envoyée chercher le médecin. 1 heure ou 2 plus tard, le mourant semblait quelque peu ressaisi, mais il paraissait très agité et ses yeux parcouraient anxieusement la pièce. « J'imagine que ce sont ces précieuses figurines qu'il veut, » dit l'infirmière Dawson. « Il est toujours calme lorsqu'il peut jouer avec. » Elle saisit la grande mallette en cuir qui contenait les trésors artistiques inestimables et, après l'avoir ouverte, la plaça sur le lit à côté du patient. M. Frewin, cependant, était manifestement trop près de la mort pour s'occuper de son jouet favori. Il toucha les miniatures d'une main tremblante pendant quelques instants, puis s'affaissa, épuisé, sur les oreillers. « Il est mourant, » dit tranquillement le médecin en se tournant vers Mme Frewin. « J'ai quelque chose à lui dire, » répondit-elle alors. « Puis-je rester seule avec lui quelques minutes ?»« Certainement, » dit le médecin en se retirant discrètement, « mais je pense qu'une des infirmières ferait mieux de rester à portée de voix. » L'infirmière Dawson, semble-t-il, s'était tenue non loin car elle entendit ce que Mme Frewin disait à son mari mourant. « Il s'agit de Lionel, votre fils unique, » dit-elle. « Pouvez-vous comprendre ce que je dis ?» Le malade acquiesça. « Vous vous souvenez qu'il est à Brighton, chez Alicia. Je peux aller le chercher en voiture si vous voulez bien le voir. » Le mourant hocha à nouveau la tête. « Je suppose que Mme Frewin prit cela pour un acquiescement, car l'instant d'après, elle sonna John Chips, le majordome, et lui donna l'ordre de préparer sa voiture sur le champ. Elle embrassa ensuite le patient sur le front et s'apprêta à quitter la pièce. Mais juste avant, ses yeux s'arrêtèrent sur le coffret de miniatures et elle dit à Kenneth, le valet de chambre, « Donnez-les à Chips et dites-lui qu'il les mette dans la bibliothèque. » Elle alla ensuite enfiler ses fourrures en prévision de sa sortie. Quand elle fut tout à fait prête, elle rencontra sur le palier Chips qui venait de monter pour lui dire que la voiture était à la porte. Il tenait à la main la valise de miniature que Kenneth lui avait donnée. « Mettez la valise sur la table de la bibliothèque, Chips, quand vous redescendrez, » dit-elle. « Oui, madame, » répondit-il. Il la suivit au rez-de-chaussée, se rendit dans la bibliothèque, posa la mallette sur la table comme on le lui avait demandé, puis accompagna sa maîtresse dans la voiture et ferma enfin la porte d'entrée. Chapitre 2. Environ une heure plus tard, Madame Frewin revint, mais sans son fils. Il s'avéra par la suite que le jeune homme était plus vindicatif que son père. Il refusa de se rendre au chevet de ce dernier pour se réconcilier à la dernière minute avec un homme qui n'avait plus ni esprit ni sens physique. Cependant, le mourant n'eut pas à connaître l'attitude de son fils, car après une longue et pénible nuit passée dans un état comateux, il mourut vers 6 heures du matin. Il était assez tard l'après-midi suivant, lorsque Madame Frewin se souvint soudain du coffret de miniatures qui aurait dû être enfermé dans son armoire habituelle. Elle se rendit tranquillement dans la bibliothèque, très fatiguée et épuisée par la longue veille, le chagrin et l'anxiété qu'elle venait de vivre. Un quart d'heure plus tard, John Chiefs la trouva dans la même pièce, assise dans un fauteuil, hébétée et presque évanouie. En réponse à la demande anxieuse du vieux majordome, elle murmura « Les miniatures, où sont-elles ?» Effrayé par la brusquerie de la question et par le changement de ton de sa maîtresse, Chip jeta un regard rapide autour de lui. « Vous m'avez dit de les mettre sur la table, madame, » murmura-t-il, « et c'est ce que j'ai fait. Elles n'ont pas l'air d'être dans la chambre maintenant, » ajouta-t-il avec un soudain sentiment de terreur. Il faut aller demander tout de suite à l'une des infirmières si le coffret a été porté dans la chambre de M. Frewin pendant la nuit. Chips, inutile de le dire, n'attendit pas qu'on le lui répète 2 fois. Il commençait à se sentir très inquiet. Il s'adressa à Kenneth et aux 2 infirmières et leur demanda si, par hasard, les miniatures ne se trouvaient pas dans la chambre du défunt maître. Kenneth et les infirmières répondirent par la négative. La dernière fois qu'ils avaient vu les miniatures, c'était lorsque Chips les avait confiées au valet et qu'il avait suivi sa maîtresse en bas, le coffret à la main. Le pauvre vieux majordome était désespéré, la cuisinière hystérique et la consternation régnait dans toute la maison. La disparition des miniatures causa une émotion presque plus grande que la mort du maître qui était mourant depuis si longtemps qu'il était presque devenu un étranger pour les domestiques de Blatchet. Madame Frewin fut la première à retrouver sa présence d'esprit. « Envoyez immédiatement une voiture au poste de police de Brighton, » dit-elle très calmement, dès qu'elle eut complètement réalisé que les miniatures étaient introuvables. « Il est de mon devoir de veiller à ce que cette affaire soit examinée en profondeur. » Une demi-heure après la découverte du vol, l'inspecteur Hankin et l'agent de police MacLeod arrivaient tous les 2 de Brighton après avoir profité de la voiture de Madame Frewin. Ce sont tous 2 des hommes astucieux et il ne leur fallut pas longtemps pour se faire une idée de la manière dont le vol avait été perpétré. Quant à savoir qui l'avait commis, c'était une toute autre affaire et il faudrait du temps et de l'ingéniosité pour le découvrir. Voici ce que l'inspecteur Hankin avait compris. Pendant que John Chip faisait monter sa maîtresse dans la voiture, la porte d'entrée de la maison était restée grande ouverte. Madame Frewin avait passé la tête par la fenêtre et crié à Chips quelques instructions concernant la collation du soir des infirmières qu'elle craignait qu'elles oublient, vu l'état de M. Frewin. Chips, qui était un homme âgé et un peu sourd, n'entendit pas sa voix distinctement. Il courut jusqu'au véhicule et elle lui répéta ses instructions. Pour l'inspecteur Hankin, il ne faisait aucun doute que le voleur, qui avait dû traîner dans les buissons ce soir-là, avait profité de l'occasion pour se faufiler dans la maison, puis pour se cacher dans un recoin, jusqu'à ce qu'il trouve une occasion de commettre le vol qu'il avait en vue. Le majordome déclara qu'à son retour, il n'avait rien vu d'anormal. Il n'était parti qu'un peu plus d'une minute. Il avait alors fermé et verrouillé la porte d'entrée, et selon son habitude, il avait mis en place tous les volets des fenêtres du rez-de-chaussée, y compris, bien sûr, ceux de la bibliothèque. Il n'avait pas de lumière avec lui lorsqu'il faisait ce tour habituel, car, bien sûr, il connaissait assez bien son chemin dans l'obscurité, et le lustre électrique du hall d'entrée lui donnait la lumière qu'il souhaitait. Pendant qu'il posait les volets, Chip ne pensait pas particulièrement aux miniatures, mais, chose étrange, il semble y avoir pensé environ une heure plus tard, lorsque la plupart des domestiques étaient allés se coucher et qu'il attendait sa maîtresse. C'est alors que, traversant le hall, il tourna la clé de la porte de la bibliothèque, la fermant ainsi de l'extérieur, de façon tout à fait négligente et presque distraite. Bien entendu, dans tout cela, il faut se rappeler que Blatchley House n'était pas dans son état normal cette nuit-là, puisque son maître était en train de mourir dans une chambre située à l'étage au-dessus de la bibliothèque. Les deux infirmières et Kenneth, le valet de chambre, étaient tous éveillés et à ses côtés pendant toute la nuit. Kenneth est certainement entré et sorti de la chambre à plusieurs reprises pour aller chercher divers objets demandés par le médecin ou les infirmières. Pour ce faire, il n'avait pas emprunté l'escalier principal ni traversé le hall, mais en ce qui concerne le palier supérieur et l'escalier secondaire, il n'avait certainement rien remarqué d'inhabituel ou de suspect. Tandis que lorsque Madame Frewin était rentrée à la maison, elle était montée directement au premier étage et n'avait certainement rien remarqué qui puisse éveiller ses soupçons. Mais, bien sûr, cela ne signifiait pas grand-chose, car elle devait certainement être trop bouleversée et agitée pour voir quoi que ce soit. Les domestiques ne furent informés de la mort de leur maître qu'après le petit déjeuner. Entre-temps, Emily, la femme de chambre, était venue comme d'habitude faire la bibliothèque. Elle remarqua distinctement, lorsqu'elle entra pour la première fois, qu'aucun des volets n'était relevé et qu'une des fenêtres était ouverte. Elle pensa alors que quelqu'un avait dû se trouver dans la pièce avant elle et avait l'intention d'interroger Chip à ce sujet lorsque la nouvelle de la mort du maître chassa de son esprit cette idée. Curieusement, lorsque Hankin l'interrogea à ce sujet et qu'elle eut le temps de se souvenir plus clairement de tout, elle fit la déclaration extraordinaire qu'elle avait certainement remarqué que la porte de la bibliothèque était fermée à clé de l'extérieur lorsqu'elle était entrée dans la pièce pour la première fois, la clé se trouvant dans la serrure. « Alors, n'avez-vous pas trouvé bizarre ?» demanda Hankin. « Que la porte soit bouclée de l'extérieur alors que les volets n'étaient pas fermés et qu'une des fenêtres était ouverte. » « Il me semble que j'y ai pensé, » répondit Emily avec cette agréable imprécision propre à sa classe. Mais enfin, la pièce n'avait pas été mise à sac. Elle était bien rangée, comme on l'avait laissée hier soir, et les cambrioleurs semblent toujours laisser un grand désordre derrière eux, sinon j'aurais dû m'en apercevoir, » ajouta-t-elle avec une dignité offensée. « Mais n'avez-vous pas vu que les miniatures n'étaient pas à leur place habituelle ?»« Oh, elles n'étaient pas souvent dans le cabinet, car le maître avait l'habitude de demander qu'on les lui apporte dans sa chambre. » C'était bien sûr indiscutable. Il était évident que le cambrioleur avait eu de nombreuses occasions de s'enfuir. En effet, le malfaiteur a eu tout le temps pour se faufiler dans la chambre entre le moment où Madame Frewin est finalement partie en voiture et une heure plus tard, lorsque Chips a tourné la clé dans la porte de la bibliothèque, en fermant ainsi sans aucun doute le voleur à l'intérieur. Il est impossible de savoir à quel moment précis de la nuit il s'est enfui. Ce devait être après le retour de Madame Frewin, car Hankin soutenait qu'elle ou son chauffeur avait remarqué qu'une des fenêtres de la bibliothèque était ouverte. Cet avis n'a pas été partagé par Elliot Duyard, qui a participé à l'enquête sur ce crime mystérieux, car Madame Frewin était certainement très agitée et bouleversée ce soir-là, et ses capacités de perception devaient nécessairement être émoussées. Quant au chauffeur, nous savons tous que les puissants phares d'une voiture sont si éblouissants que rien ne peut être vu en dehors de leur cercle lumineux aveuglant. Toujours est-il qu'on ne sait pas quand le voleur est parvenu à s'enfuir. C'était assez facile à réaliser, et comme il y a un carré de dalles devant la porte principale et juste en dessous des fenêtres de la bibliothèque, le voleur n'a pas laissé la moindre trace de pas, alors que la fenêtre est de moins de 8 pieds du sol. Ce qui est étrange dans toute cette affaire et qui a immédiatement frappé l'inspecteur Hankin, c'est le fait que le cambrioleur, quel qu'il soit, devait en savoir beaucoup sur la maison et ses habitudes. Il devait également avoir en tête un objectif précis que l'on ne trouve pas habituellement dans le cerveau d'un cambrioleur ordinaire. Il devait avoir l'intention de voler les miniatures et rien d'autre, car il s'est rendu directement à la bibliothèque et après avoir mis son butin à l'abri, il s'est immédiatement enfui sans essayer de s'emparer d'aucun autre objet dont il serait plus facile de se débarrasser que des œuvres d'art. Vous pouvez donc imaginer à quel point la tâche de l'inspecteur Hankins était délicate. Il avait interrogé tout le monde dans la maison, y compris le valet de chambre et les infirmières de M. Frewin, et c'est par elle qu'il avait appris les dernières paroles de Mme Frewin à son mari mourant et qu'elle avait parlé de son vaurien de fils qui se trouvait manifestement dans le voisinage immédiat et qu'elle souhaitait qu'il vienne voir son père. Mme Frewin, interrogée par le détective, admit que son fils séjournait à Brighton et qu'elle l'avait vu le soir même. « Monsieur Lionel Frewin séjourne à l'hôtel Métropole, » dit-elle froidement. « Et il a dîné avec ma sœur, Lady Steyne, hier soir. Il était dans la maison de Sussex Square quand je suis arrivée en voiture, » ajouta-t-elle précipitamment, devinant peut-être le soupçon qui était né dans l'esprit de Hankin, « et il y était encore quand je suis partie. » Je suis rentrée très vite, naturellement, car je savais que l'état de mon mari était désespéré et qu'il ne devait pas vivre plus de quelques heures. Nous avons parcouru les 7 miles qui séparent cette maison de celle de ma sœur en moins d'un quart d'heure. Cette déclaration de Mme Frewin fut, on s'en souvient, pleinement confirmée par sa sœur et par son beau-frère, Lady Steyne et Sir Michael. Il ne fait aucun doute que le jeune Lionel Frewin séjournait à l'hôtel Métropole de Brighton, qu'il dînait ce soir-là avec les Steyne à Sussex Square, lorsque sa mère était arrivée en voiture. Madame Frewin était restée environ 1 heure, pendant laquelle elle avait vraisemblablement essayé d'influencer son fils pour qu'il retourne avec elle à Blatchley, afin de voir son père mourant. Bien entendu, aucune des 4 personnes présentes n'était disposée à révéler ce qui s'était exactement passé lors de cette entrevue familiale. En revanche, Sir Michael et Lady Steyne étaient prêts à jurer que M. Lionel Frewin était dans la maison lorsque sa mère est arrivée et qu'il ne les avait quittés que longtemps après qu'elle soit partie. C'est là que le bât blesse, car le public avait déjà tiré des conclusions. Et, avec les terribles préjugés qui sont les siens dans une affaire de ce genre, il avait décidé que M. Lionel Frewin, une fois de plus pressé par l'argent, avait volé les précieuses miniatures de son père afin de les vendre en Amérique pour une forte somme. L'antipathie de tous se porta sur le jeune fils qui refuse de se réconcilier avec son père, pourtant mourant. D'après un des valets de pied de Lady Steyne, qui avait apporté des whisky et des sodas, pendant l'entretien entre Mme Frewin et son fils, M. Lionel avait dit d'un ton très sévère « C'est très bien, mère, mais c'est de la pure sensiblerie. Le boss m'a jeté à terre alors qu'un peu de bonté et d'aide m'aurait assuré un avenir différent. Il a choisi de briser ma vie à cause de quelques peccadilles de jeunesse et je ne vais pas me prosterner devant lui et jouer les hypocrites alors qu'il n'a aucune intention de modifier son testament et qu'il m'a coupé les vivres. Il doit être à moitié imbécile maintenant et ne me reconnaîtra pas de toute façon. » Malgré une opinion publique si hostile à son égard, il était tout de même impossible d'imputer le crime au jeune homme. Le cambrioleur, quel qu'il soit, avait dû se faufiler dans la bibliothèque quelque temps avant que Chief ne ferme la porte à l'extérieur, car Emily l'avait encore retrouvé ainsi le lendemain matin. Le public, déterminé à ce que Lionel Frewin soit impliqué d'une manière ou d'une autre dans le vol, décida alors que la mère aimante, apprenant que son fils manquait cruellement d'argent, avait volé elle-même les miniatures cette nuit-là et les lui avait données. Chapitre 3. Lorsque Lady Molly entendit cette théorie, elle éclata de rire et haussa ses jolies épaules. Le vieux monsieur Frewin était mourant, n'est-ce pas, au moment du cambriolage. Pourquoi sa femme, qui allait bientôt devenir veuve, se donnerait-elle la peine de se livrer à la comédie laborieuse et audacieuse d'un cambriolage pour s'emparer d'objets qui deviendraient les siens dans les heures qui suivraient? Même si, après la mort de monsieur Frewin, elle ne pouvait pas disposer des miniatures, le vieil homme lui avait laissé par testament une grosse somme d'argent et un gros revenu, avec lesquels elle pourra aider son fils dépensier autant qu'elle le voudra. C'est, bien sûr, la raison pour laquelle le mystère de cette étrange affaire était si épais. Au Yard, on fit tout ce qui était possible. En l'espace de 48 heures, on fit imprimer dans presque toutes les langues européennes des avis contenant des esquisses et des miniatures volées, fournies à la hâte par Madame Frewin elle-même. Elles furent envoyées au plus grand nombre possible de grands musées et de collectionneurs d'art à l'étranger, et, bien sûr, aux principales villes américaines et aux millionnaires américains. Il ne fait aucun doute que le voleur aurait beaucoup de mal à se débarrasser des miniatures, et tant qu'il ne les aurait pas vendues, son butin ne lui rapporterait rien. Les œuvres d'art ne peuvent pas être trafiquées, fondues ou mises en pièces, comme l'argent ou les bijoux, et pour autant qu'on puisse en juger, le voleur n'avait pas semblé faire la moindre tentative pour se débarrasser de son butin, et le mystère était devenu plus sombre, plus impénétrable que jamais. Le chef dit un jour à Lady Molly « Voulez-vous entreprendre ce travail ?»« Oui, répondit-elle, à deux conditions bien précises. » « Quelles sont-elles ? Que vous ne m'ennuyez pas avec des questions inutiles et que vous envoyez de nouveaux avis à tous les musées et collectionneurs d'art auxquels vous pouvez penser et que vous leur demandiez de vous informer de tous les achats d'art qu'ils ont pu faire au cours des deux dernières années. »« Les deux dernières années ? » s'exclama le chef. « Les miniatures n'ont été volées qu'il y a 3 mois. »« N'ai-je pas dit que vous ne deviez pas me poser de questions inutiles ?» Elle s'adressait ainsi au chef, je vous le rappelle, et celui-ci se contenta de sourire, tandis que je faillis tomber à la renverse devant une telle audace. Mais il envoya les avis, et il était entendu pour tous que Lady Molly était désormais chargée de l'affaire. Chapitre 4. C'est environ 7 semaines plus tard qu'un matin, je l'ai trouvée au petit déjeuner, merveilleusement épanouie et enthousiaste. « Le Yard a reçu des tas de réponses, Mary, » dit-elle gaiement, « et le chef pense toujours que je suis une idiote. »« Pourquoi ? Que s'est-il passé ?»« Tout simplement que le musée d'art de Budapest a maintenant à sa possession un ensemble de 8 miniatures d'Engelhardt. Mais les autorités n'ont pas pensé que les premiers avis de Scotland Yard pouvaient s'y référer, puisqu'ils avaient été achetés à une source privée il y a un peu plus de 2 ans. » Mais, il y a 2 ans, les miniatures de Frewin étaient encore à Bletchley House, et M. Frewin les caressait tous les jours, ai-je dit, ne comprenant pas, et me demandant où elle voulait en venir. « Je le sais, » dit-elle gaiement, « et le chef aussi. C'est pourquoi il pense que je suis une idiote de première classe. »« Mais que vas-tu faire maintenant ?»« Aller à Brighton, Mary. » T'emmener avec moi et essayer d'élucider le mystère des miniatures Frewin. Je ne comprends pas, soufflai-je déconcerté. Non, et tu ne comprendras pas tant que nous n'y serons pas, a-t-elle répondu en courant vers moi et en m'embrassant avec fougue. L'après-midi même, nous sommes allés à Brighton et avons pris nos quartiers à l'hôtel Métropole. Vous savez que j'ai toujours cru, dès le début, qu'elle était née femme du monde et tout le reste, mais même moi, j'ai été surprise par le nombre de connaissances et d'amis cultivés qu'elle avait un peu partout. C'était tout le temps « Bonjour, Lady Molly. Qui aurait pu penser à vous rencontrer ici ?» Et Ma parole, c'est de la chance !» Elle souriait et bavardait gaiement avec tous les gens, comme si elle les connaissait depuis toujours, mais je pouvais facilement voir qu'aucune de ces personnes ne savait qu'elle avait quelque chose à voir avec le Yard. Brighton n'est pas une ville aussi grande qu'on pourrait le supposer, et la plupart des résidents huppés de cette ville gaie se retrouvent tôt ou tard dans la luxueuse salle à manger de l'hôtel Métropole, ne serait-ce que pour un petit dîner tranquille donné lorsque la cuisinière est absente. C'est pourquoi je ne fus pas peu surprise lorsque, un soir, environ une semaine après notre arrivée et alors que nous nous apprêtions à nous asseoir à la table d'hôte, Lady Molly posa soudain l'une de ses mains délicates sur mon bras. « Regarde derrière toi, un peu sur ta gauche, Mary, mais pas tout de suite. Tu verras alors deux dames et deux messieurs assises à une petite table tout près de nous. Il s'agit de Sir Michael et Lady Steyne, de l'honorable Madame Frewin, tout en noir, et de son fils, M. Lionel Frewin. » J'ai regardé autour de moi dès que j'ai pu et j'ai contemplé avec un certain intérêt le héros et l'héroïne du drame de Bletchley House. Nous avons eu un petit dîner tranquille et Lady Molly était devenue tout à coup très silencieuse et très posée, tout à fait différente de sa gaieté et de son excitation des derniers jours. J'ai senti que quelque chose d'important était dans l'air et j'ai essayé de paraître aussi indifférente que Milady elle-même. Après le dîner, nous avons commandé du café et lorsque Lady Molly est passée dans le salon, j'ai remarqué qu'elle avait ordonné que notre plateau soit placé à une table très proche de celle déjà occupée par Lady Steyne et son groupe. Lady Steyne, ai-je remarqué, a fait un signe de tête déférent envers Lady Molly lorsque nous sommes entrés et Sir Michael s'est levé et s'est incliné en disant « Comment allez-vous ? » Nous nous sommes assises et avons entamé une conversation décousue. Bientôt, comme d'habitude, nous avons été rejointes par divers amis et connaissances qui se sont tous rassemblés autour de notre table et se sont mis à nous divertir très agréablement. La conversation s'est ensuite orientée vers l'art avec la présence de Sir Anthony Truscott qui est, comme vous le savez, l'un des responsables du département d'art du South Kensington Museum. « Je suis folle de miniatures en ce moment !» a dit Lady Molly en réponse à une remarque de Sir Anthony. « J'ai essayé de ne pas paraître étonnée. »« Mademoiselle Granard et moi-même, poursuivit-elle l'air de rien, avons voyagé sur tout le continent pour essayer de nous procurer quelques spécimens rares. »« En effet, dit Sir Anthony, avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ?»« Nous avons découvert des œuvres d'art rares, » a répondu Lady Molly. « N'est-ce pas, Mary ? Les deux Englehart que nous avons achetés à Budapest sont sans doute uniques. »« Un Englehart et à Budapest ?» remarqua Sir Anthony. « Je croyais connaître les collections de la plupart des grandes villes du continent, mais je n'ai certainement pas le souvenir de tels trésors dans la capitale hongroise. » Oh, elles n'ont été achetées qu'il y a 2 ans et n'ont été montrées au public récemment, fit remarquer Lady Molly. À l'origine, il y en avait 8, d'après ce que m'a dit l'administrateur, M. Pulski, qui les a achetées à un collectionneur anglais dont j'ai oublié le nom, et il en est très fier, mais elles ont coûté au pays beaucoup plus d'argent qu'il ne pouvait se le permettre, et pour se refaire un peu, M. Pulski a vendu des 8 à un prix, je dois le dire, très élevé. Pendant qu'elle parlait, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'étrange scintillement de ses yeux. C'est alors qu'un curieux bruit étouffé me parvint à l'oreille. Je me suis retourné et j'ai vu Madame Frewin qui regardait avec des yeux brillants et dilatés le charmant tableau présenté par Lady Molly. « J'aimerais vous montrer mes achats, » dit cette dernière à Sir Anthony. « Un ou deux connaisseurs étrangers ont vu les 2 miniatures et les ont déclarées les plus belles qui existent. »« Mary, » ajouta-t-elle en se tournant vers moi, « aurais-tu l'amabilité de monter dans ma chambre et de me donner le petit paquet scellé qui se trouve au fond de ma trousse de toilette ? Voici les clés. » Un peu déconcerté, mais devinant à ses manières que j'avais un rôle à jouer, je lui pris les clés et montai dans sa chambre. Dans sa trousse de toilette, je trouvai un petit paquet carré et plat, et c'est avec ce paquet en main que je me préparais à redescendre. Je venais à peine de fermer la porte de la chambre à coucher que je me trouvai soudain en face d'une femme grande et gracieuse, toute de noir vêtue, que je reconnus immédiatement comme étant l'honorable Madame Frewin. « Vous êtes Mademoiselle Granard ? » dit-elle rapidement et avec excitation. Sa voix était tremblante et elle semblait en proie à la plus grande excitation possible. Sans attendre ma réponse, elle poursuivit avec ardeur. « Mademoiselle Granard, je n'ai pas le temps d'être plus explicite, mais je vous donne ma parole, la parole d'une femme très malheureuse, au cœur brisé, que ma vie même dépend du fait que j'ai pu apercevoir le contenu du paquet que vous tenez en ce moment dans votre main. Mais, murmurai-je, désespérément déconcerté. « Il n'y a pas de mais, répondit-elle, c'est une question de vie ou de mort. Il y a pour vous 200 livres sterling, Mademoiselle Granard, si vous me laissez manipuler ce paquet. » Et de ses mains tremblantes, elle tira de son réticule une liasse de billets de banque. J'hésitai, non pas parce que j'avais l'intention d'accéder à la demande de Madame Frewin, mais parce que je ne savais pas très bien comment je devais agir dans cette situation étrange, lorsqu'une voix agréable et douce se fit soudain entendre. « Tu peux prendre l'argent, Mary, si tu le souhaites. Tu as ma permission de remettre le paquet à cette dame. » Et Lady Molly, charmante, gracieuse et élégante dans sa belle robe directoire, se tenait en souriant à quelques mètres de là, Ankin étant à peine visible dans la pénombre du couloir. Elle s'avança vers nous, me prit le petit paquet des mains et le tendit à Madame Frewin. « Vous l'ouvrez, dit-elle, ou c'est moi qui l'ouvre ?» Madame Frewin ne bougea pas. Elle resta comme figée. Alors, de ses doigts habiles, Lady Molly brisa les seaux du paquet et en tira quelques feuilles de carton blanc et un mince morceau de boîte d'allumettes. « Voilà, dit Lady Molly en tripotant les bouts de carton, tout en gardant ses grands yeux fixés sur Madame Frewin, 200 livres sterling, c'est cher payé pour voir ces choses sans valeur. » Alors, c'était un vulgaire piège, dit Madame Frewin en se redressant d'un air qui n'affecta pas le moins du monde Lady Molly. Un piège, assurément, répliqua-t-elle dans un sourire vainqueur. Vulgaire, si vous voulez l'appeler ainsi, mais agréable pour nous tous, Madame Frewin, puisque vous êtes tombée dedans. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école, mais il y a aussi la possibilité de faire des stages de formation. Bien, et qu'allez-vous faire à présent? Il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'autorité de l'État. Nous avons tous été très sévèrement blâmés pour ne pas avoir découvert plus tôt la vérité sur la disparition des miniatures Frewin. « Vous ne connaissez pas encore la vérité, » rétorqua Madame Frewin. « Oh, si, je la connais, » répondit Lady Molly, toujours souriante. « Je sais qu'il y a 2 ans, votre fils, M. Lionel Frewin, était en proie à de terribles difficultés financières. » Il y avait quelque chose d'inavouable qu'il n'osait pas dire à son père. Vous avez dû vous mettre au travail pour trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Vous n'aviez pas de capital à votre disposition et vous vouliez sauver votre fils des terribles conséquences de sa propre folie. C'était peu après la visite de M. de Collinville. Votre mari avait eu sa première crise d'apoplexie, son esprit et sa vue étaient quelque peu affaiblis. Vous êtes vous-même une artiste intelligente et vous avez élaboré un plan consistant à copier soigneusement les miniatures inestimables et à les confier à votre fils pour qu'il les vende au musée d'art de Budapest où il y avait peu de chances qu'elles soient vues par quelqu'un qui saurait qu'elles avaient appartenu à votre mari. Les Anglais n'y passent pas plus d'une nuit à l'hôtel Hungaria. Vos copies étaient des œuvres d'art en elles-mêmes et vous n'avez eu aucune difficulté à tromper votre mari dans l'état d'esprit où il se trouvait alors. Mais lorsqu'il est mort, vous avez réalisé que serait ouvert son testament dans lequel il léguait les miniatures à M. James Hyam et qu'elles devraient être évaluées pour l'homologation. Craignant maintenant que la substitution ne soit découverte, vous avez imaginé l'astucieuse comédie du cambriolage à Bratchley, qui, dans ces circonstances, ne pourrait jamais être imputé à vous ou à votre fils. Je ne sais pas où vous avez ensuite caché les fausses miniatures d'Englehart que vous avez calmement sorties de la bibliothèque et cachées pendant la nuit de la mort de votre mari, mais il ne fait aucun doute que nos hommes le découvriront, ajouta-t-elle tranquillement, maintenant qu'ils sont sur la piste. En poussant un cri d'effroi, Madame Frewin se retourna comme pour s'enfuir, mais Lady Molly était trop rapide pour elle et lui barra la route. Puis, avec ce charme merveilleux et cette gentillesse innée qui la caractérise toujours, elle saisit le poignet de la malheureuse. « Permettez-moi de vous donner un conseil, » dit-elle doucement. « Nous, au Yard, nous nous contenterons d'une confession de votre part qui nous dédouaneront de toute négligence et nous donnera la certitude que le crime a été porté à la connaissance de son auteur. Après cela, essayez de conclure un accord avec le légataire de votre mari, M. James Hyam. Faites-lui la lumière sur cette affaire et offrez-lui une compensation financière complète. Dans l'intérêt de la famille, il ne refusera pas. Il n'aurait rien à gagner à ébruiter l'affaire à l'étranger. Et dans son propre intérêt, et dans celui de son défunt oncle, qui était si bon pour lui, je ne pense pas que vous ayez du mal à traiter avec lui. » Madame Frewin s'arrêta un moment, indécise et toujours provocatrice. Puis son attitude s'adoucit, elle se retourna et regarda les beaux yeux doux tournés vers les siens et, pressant la petite main de Lady Molly dans les deux siennes, elle murmura « Je suivrai votre conseil, que Dieu vous bénisse !» Elle disparut et Lady Molly appela Hankin à ses côtés. « Jusqu'à ce que nous ayons cette confession, Hankin, » dit-elle, avec le calme qu'elle adoptait toujours lorsqu'il s'agissait de questions liées à son travail, motus et bouche cousue. « Oui, et après cela aussi, Milady, » répondit Hankin avec sérieux. Vous voyez, elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec les hommes, et moi, bien sûr, j'étais son esclave. Maintenant que nous avons obtenu les aveux, Madame Frewin est en bon terme avec M. James Hyam, qui s'est très bien comporté dans toute cette affaire, et le public a complètement oublié le mystère des miniatures Frewin.